Et c'est reparti pour un tour. Digitalo est de retour. Et c'est reparti pour un tour. Digitalo est de retour. Depuis que je fais tour de la musique, ma vie me plaît, elle est belle, fantastique. Depuis que je la pratique, ma vie me plaît, elle m'excite. Depuis enfant, je m'exhibe pour les gens. La première chanson, j'ai chanté à 4 ans. Mais le temps a passé, je me suis vraiment éclaté. La musique c'est sacré, en tout cas de mon côté. C'est trop beau, avoir le micro, chanter des airs connus à des inconnus. Fin du son, ils applaudissent, ou bien ils aiment trop, alors ils te maudissent. Par pur hasard, mes concerts s'enchaînent. Animer c'est un art, mais encore je m'entraîne. Jour après jour, ma voix n'est pas extraordinaire, mais déjà un peu populaire. Durant l'année 98 est né mon premier single. C'était un bon beat, surtout dans une bagnole. Ensuite mon disque arrive en 2002. C'était mon rêve, mon souhait d'en avoir un comme eux. Je veux parler de mon groupe préféré, j'ai nommé les grands Ototototé. Je me moque d'être une star comme ceux qui chantent à la télé, point barre, et rentrent chez eux avec leur blé. Moi j'écris ma vie sans honte et soucis, puis j'ajoute une batterie, quelques sons aussi. J'ai commencé avec de la pop italienne, ensuite du R&B pop, parce que les textes deviennent de plus en plus longs. J'ai grandi mon garçon, j'ai plus de choses à dire, du beau, du pire, jusqu'à ce que je respire. Le temps passe, mes albums cassent, si tu kiffes pas alors trace dans la place et me suivre. Seulement ceux qui aiment, tant pis pour ceux qui ont la haine. Il faut créer, innover, avoir des idées, aussi des avis divers. Ça fait avancer des chansons divers, mais surtout d'été, pour que je puisse te faire danser, te déhancher, t'amuser. Parole de Digitalo, ton DJ. Depuis que je fais de la musique, ma vie me plaît, elle est belle, fantastique. Depuis que je la pratique, ma vie me plaît, elle m'excite. Da quanto suono la musica, mi piace la mia vita, è fantastica. Da quanto suono la musica, mi piace la mia vita, mi carica. Haha, haha, haha. Tu te lèves, l'école, le travail, les grèves, les protocoles, le moral, c'est pas le top, tout se flop. La pollution, la couche d'ozone, pas de solution. Dans toutes ces zones, on vit mal, trop de balles, perdu dans les rues, d'autres scandales, pas prévu. Internet, c'est génial, pas très net, le tribunal, l'argent ça rend fort, mais ces gens ne font plus d'efforts. Plus le temps pour écouter son prochain, nouvelle technologie, trop bien, mais pas assez de revient pour l'État. Alors, on n'en fait rien, le monde devient fou, on creuse notre propre trou. Dorénavant, mon esprit est libre de s'exprimer, j'écris mes pensées, car je suis ivre de tout garder. Je vais exploser, ça tourne dans ma tête, là j'ai plus envie de faire la fête. Tu penseras que je suis bête, mais il faut se secouer, bouger, sinon notre futur sera tout tracé. Il faut créer, innover, avoir des idées, aussi des avis divers. Ça fait avancer des chansons divers, mais surtout d'été, pour que je puisse te faire danser, te déhancher, t'amuser. Parole de Digitalo, depuis que je fais de la DJ, ma vie me plaît, elle est belle, fantastique. Depuis que je la pratique, ma vie me plaît, elle m'excite. Da quanto suono la musica, mi piace la mia vita, è fantastica. Da quanto suono la musica, mi piace la mia vita, mi carica. Depuis que je fais de la musique, et c'est ma vie me plaît, elle est belle, fantastique. Depuis que je la pratique, Digitalo est de retour. Da quanto suono la musica, mi piace la mia vita, è fantastica. Da quanto suono la musica, mi piace la mia vita, mi carica.